Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. This is a message to Canada and all the American Tawagit. We are coming and we will destroy you, bidnillahi ta'ala. After Sham, after Iraq, after Jazeera, we are going for you, Barack Obama. Cette semaine, le nerf de la guerre. Oh mes frères de France, mes frères en Allah de France, d'Europe et du monde entier, Inch'Allah. Le djihad en Syrie, il est obligatoire. Le djihad en Syrie, il est obligatoire. Dans les dernières heures de la bataille, les derniers djihadistes encerclés ayant tenté une ultime sortie, la mort change de camp. L'ampleur des frappes, leur répétition... leur permanence a permis de bloquer Daesh. Terrorisme et financement. Histoire vivante, cette semaine, l'argent de la terreur. Aujourd'hui, suite des entretiens avec Denis Boulard et Fabien Pilloux. Fabien, puis lui revenons sur ses principales sources de financement. On a l'impression que la médaille d'or absolue, c'est le pétrole. Mm-hmm. Est-ce que vous pourriez nous dessiner un peu l'état des lieux de ce que vous avez pu comprendre? Le pétrole en Irak, le pétrole en Syrie ont été initialement les principales sources de financement de Daesh. Comme j'expliquais tout à l'heure, ils ont pris le contrôle des puits, ils ont pris le contrôle des oléoducs. Ils ont tout simplement mis la main basse sur tous les circuits de distribution et de production du pétrole, ce qui a posé de vrais problèmes d'approvisionnement, notamment en Turquie. Donc après, ils ont les alliés, les pays réunis dans les forces alliées pour détruire Daesh ont essayé de bombarder les puits. Mais je crois que ça a été un petit peu entre parties sans succès parce que ils étaient toujours accessibles. Et ensuite, ces gens-là sont très malins. Ils ont recruté des gens à travers le monde et notamment, d'après ce qu'on a pu comprendre dans le Caucase, en Tchétchénie, des ingénieurs qui pouvaient fabriquer des alambics mobiles, qui pouvaient se déplacer de puits en puits pour pouvoir continuer à raffiner et ensuite pouvoir distribuer le pétrole made in Daesh à travers les frontières poreuses de leur État, quoi. Notamment via la Jordanie, via la Syrie, via la Turquie. Il y a toujours des acheteurs, que ce soit pour le pétrole ou pour d'autres produits, d'ailleurs. Mais une chose, effectivement, comme vous le disiez, est d'avoir la matière première. L'autre chose, c'est d'avoir une main-d'œuvre suffisamment qualifiée pour élaborer. Et là, ça suppose une très grande capacité d'adaptabilité aux circonstances, au contexte. Et Daesh semble avoir, à ce moment-là, exceller dans le domaine. Ah, mais ces gens-là sont malins. Les ingénieurs irakiens, ils les avaient. Les ingénieurs syriens, ils les avaient. Puis après, avec un peu de corruption, un peu d'extorsion, un peu de menace, on fait travailler ces gens-là. Et quand ces gens-là ne suffisent pas, on fait venir des gens qui, pour la bonne cause selon eux, sont prêts à travailler, ou pour beaucoup d'argent, sont prêts à travailler pour Daesh. Bien sûr. Fabien Pilloux, continuons à voir un peu les sources de financement, cet argent de la terreur. Le blé, que vient-il faire là-dedans? Bah, pareil, le blé, il a bien fallu... une partie de la Syrie est un véritable grenier. Il y a des terres qui sont formidablement, comment dirais-je, fertiles. Et le blé, comme le coton et comme diverses céréales, ont aussi permis à Daesh de financer ses activités, de financer la structure de son État et puis de faire pression sur les populations. Alors que après une récolte, on saisit la récolte, on fait pression sur les populations, on distribue en sous-main, on exporte en sous-main les récoltes. Enfin, c'est très facile, hein, c'est très facile. On pourrait faire une analogie avec ce qui s'est passé en France à la Seconde Guerre mondiale, lorsque les Allemands ont fait main basse sur les récoltes en France, quoi. C'était très facile pour eux. Fabien Pilloux, l'ouvrage dont nous parlons, L'argent de la terreur, édité chez First, dont vous êtes co-auteur, en compagnie de Denis Boulard et Guillaume Perrier. Il y a un lieu de l'enquête, ou il y a des lieux de l'enquête. Comment avez-vous procédé, puisque Comme vous nous l'avez dit, il n'était pas question de rester à Paris, entre quatre murs. Il fallait aller voir sur place. Alors, sur place, c'est peut-être au pluriel. Racontez-nous ça. Alors, comme je vous l'ai expliqué, Guillaume Perrier, qui est turcophone et qui connaît très très bien la région, a multiplié les allers-retours en fait entre la Turquie et la frontière syrienne pour enquêter. Et il s'est retrouvé dans des situations... il était au Lone, vraiment dans l'œil du cyclone, quoi. Dans l'œil du cyclone. Nous n'étions pas avec Denis, mais Guillaume a pu observer, a pu enquêter grâce à ses différents contacts, qu'il a nombreux dans cette partie du monde, pour se rendre compte de la situation et du caractère extrêmement. Il y a un livre qui est sorti il y a peu de temps, les 51 degrés ou quelque chose comme ça. C'est tellement compliqué, c'est tellement complexe de définir la situation telle qu'elle était à l'époque. C'est-à-dire que le nerf de la guerre, l'argent, était au centre de tout. C'est ce qu'a découvert Guillaume. C'est-à-dire que il y a bien sûr... Ce qui est une semi-découverte, d'une certaine manière. Oui, non, mais ce qui est effrayant, c'est que cette Daesh a eu un discours, a fait du prosélytisme en évoquant Dieu, en évoquant voilà son animosité. Beaucoup de choses n'étaient pas faites au nom de Dieu, mais étaient faites au nom de l'argent, tout simplement, quoi. Et les résistants à Daesh, les résistants locaux à Daesh, les gens de Daesh avaient des relations bien plus compliquées que celles qu'on peut imaginer, c'est-à-dire que au nom de l'argent, ils étaient capables de s'affronter, mais effectivement eux aussi, mais de coopérer, d'échanger, de troquer, de ce combat est affreux parce que au centre de tout, il y a les trafics, il y a le terrorisme. Le terrorisme, ce n'est qu'un moyen finalement c'est une manifestation de la volonté d'un certain nombre de personnes, et notamment chez Daesh, de gagner de l'argent, d'avoir du pouvoir. Et Dieu là-dedans n'est qu'un prétexte. Et c'était dur. C'est dur de constater ça, en fait, de voir toute cette misère, de voir d'observer toutes les conséquences de ces combats, de cette déflagration dans cette partie du monde, finalement, d'avoir que pour seul prétexte l'argent. D'où la comparaison, Fabien Pilieu, que j'avais pu vous proposer avec une organisation criminelle classique du type mafia. Mm-hmm. On retrouve là vraiment des recoupements. Ce sont des recoupements, tout à fait. C'est le Daesh qui se voulait être État, est aussi dans son fonctionnement une structure aux multiples ramifications mafieuses, avec alimentée par des trafics en tout genre, trafics et ramifications qui existaient déjà depuis longtemps. En fait, elles les ont ravivées, des ramifications au Kurdistan irakien, Kurdistan turc. Enfin, ce sont des trafics qui existaient déjà et que Bachar el-Assad, le président syrien, ou Saddam Hussein avaient presque éliminé. Donc, ils se sont servis en fait de l'histoire de ces régions, des trafics de ces régions, des échanges de ces régions, parfois mafieux, parfois qu'ils n'étaient pas. Il fallait peut-être aussi survivre. Enfin, et ils se sont servis de toute cette histoire, de tout le passé, pour continuer et pour alimenter, pour continuer leur base d'œuvre et surtout pour financer leur activité. Oui. Denis Boulard, vous vous intéressez aux questions politiques, vous les avez précédemment analysées dans des enquêtes, des ouvrages, et notamment vous permettant sans doute de comprendre comment fonctionne un État, aussi bien par sa police que par sa justice. Daesh est revendiqué pendant tout un temps comme étant un État. Si on devait vous donner cet objet-là à analyser politiquement, avec votre spécialité de connaissance de l'État, comment vous décririez ce que a été cette incroyable organisation? Alors c'est sûr que Daesh a réussi à donner le sentiment, ou à essayer de donner le sentiment que c'était un État. Il y a plusieurs facteurs qu'ils disent. D'abord, on le sait peu, mais en fait, ils ont frappé monnaie à une époque. Bon, ils se sont rendus compte que cette monnaie n'avait pas d'intérêt, donc ils sont restés au dollar, qui est quand même la monnaie qui était plus intéressante pour eux. Puis, ils ont été jusqu'à battre monnaie. Bien sûr. Ah ouais. Ils ont battu monnaie. Évidemment, ils ont une police, ils ont des fonctions régaliennes qu'ils exercent, et elles correspondent peu ou prou à toutes nos fonctions régaliennes à nous, On parle de l'éducation, on parle de l'armée, on parle de la santé. Elle est évidemment complétée, les concernant, par une fonction qui pour eux prime sur le reste, qui est la fonction religieuse. Vous devez prier, penser, etc. d'une certaine façon, pas autrement. Mais assez rapidement, en réalité, cet état, ce proto-état, va montrer son vrai visage. C'est-à-dire que c'est un racket. Les Syriens et Irakiens qui vivent à l'époque sous la houlette de la bannière noire vont d'un seul coup se retrouver avec des amendes pour tout et pour rien. L'antenne parabolique qu'ils installent pour capter dans un premier temps est sanctionnée parce qu'on n'a pas le droit de capter une autre voix que celle de Daesh. Et quelques temps plus tard, on vous incite à en installer une de nouveau en finançant. C'est-à-dire que toutes les choses, en fait, il y a une logique mercantile, en quelque sorte, dans la gestion de, cette, de ce soi-disant État par Daesh. Tout est achetable. Ils vont, par exemple, décider que un tel ou un tel n'est pas dans la droite ligne de ce que Daesh veut, donc sa maison lui est confisquée, son mobilier lui est confisqué, et tout son mobilier est vendu aux enchères. C'est un État qui va faire de l'argent sur absolument tout. Si vous faites la prière en n'étant pas exactement tourné dans la bonne direction vers la Mecque, vous avez une amende. Si vous sortez dans la rue, que vous êtes une femme et que vous n'êtes pas suffisamment voilée, c'est une amende. En fait, c'est un État qui va très rapidement se mettre à tourner autour de la logique financière. Par exemple, ils vont créer une sorte de ministère, ils appellent ça des diwans, ce sont des ministères à l'époque, pour eux en tout cas. Ils vont vous autoriser à aller piller, par exemple, un lieu archéologique. Ils se moquent éperdument de savoir ce que vous allez y trouver, mais ils vous vendent le droit d'aller creuser la terre. Si vous trouvez quelque chose, ils vous prélèvent une dîme, une sorte de dîme, sur le fait que vous ayez trouvé quelque chose. Et si vous le vendez, ils vous prélèvent également une dîme. Donc tout est occasion, tout est opportunité pour faire de l'argent. J'entends bien, mais n'avez-vous pas le sentiment, tout en le décrivant, que on a juste à faire... Évidemment, on va mettre la dimension criminelle et meurtre à part, même si c'est relativement difficile, mais à quelque chose d'un tout petit peu plus gonflé qu'un État classique, qui lui aussi va systématiquement faire argent de tout. Dans le fond, vous avez dû connaître, vu votre vieil âge, ces rues où l'on pouvait se garer sans avoir à payer quoi que ce soit. Aujourd'hui, trouver donc un centimètre carré qui soit gratuit, ça relève quand même de l'exploit technique. Alors, toute proportion gardée, vous n'avez pas tort. Reste qu'il me semble un petit peu osé de faire un parallèle de cette nature pour une raison assez simple, par exemple, c'est que Daesh va pousser la logique mercantile jusqu'au fait de façon politique ou dogmatique, expliquer que les Yézidis, qui est donc une peuplade, une ethnie, pour être plus précis, ne pratiquent pas la bonne religion, donc ils sont déportés, exécutés, et les jeunes filles Yézidis, qui sont donc, de leur point de vue, des mécréantes, sont vendues comme esclaves. Ils vont même réussir à aller assez loin dans cette logique, où ils vont éditer un catalogue, où ils vous proposent des règles extrêmement strictes, codifiées, de vente d'un enfant, d'une jeune fille, d'une jeune femme, d'une femme âgée. Donc la logique mercantile qu'ils vont eux mettre en place va, me semble-t-il, tellement loin par rapport à la logique à laquelle nous sommes nous habitués en Europe occidentale, ça me paraît depuis une période relativement contemporaine, parce que si vous allez vers la période plus ancienne, et notamment le marché de l'esclavage qu'a pu connaître l'Occident et dont il a largement profité, ces codes-là, ces ventes-là existaient déjà. On peut l'admettre. On peut admettre, effectivement, disons qu'au XXIe siècle, pour mon regard, en tout cas, d'occidental, je trouve ça... nous avons, avec Fabien, trouvé ça extrêmement choquant et dur. Et incroyable que, avec les moyens d'information... En fait, ce qui est le plus choquant, en fait... Enfin, le plus choquant, je ne sais pas, mais ce qui participe, en tout cas, au fait que nous, on ait été frappés par cette enquête... c'est que les moyens d'information aujourd'hui nous permettent de savoir ce qui se passe à côté de chez nous. C'est mine de rien, c'est à 2h, 2h30 de Paris. Et lorsque vous savez qu'à 2h, 2h30 de Paris, un génocide est organisé, que des femmes sont vendues en esclaves, que des gens sont exécutés parce qu'ils ne pensent pas comme ils devraient penser, supposés devraient penser, c'est cette dichotomie entre les moyens d'information et les actes qui est choquante. On ait eu ça au Moyen-Âge chez nous, pourquoi pas, mais c'était compliqué de savoir ce qui se passait dans le village voisin. Aujourd'hui, on sait précisément ce qui se passe. Et l'hypocrisie, une autre hypocrisie, consiste à prétendre qu'on ne sait pas. Vivante cette semaine, l'argent de la terreur. Suite des entretiens avec Denis Boulard et Fabien Pilieu. Alors, vous, Fabien Pilieu, l'analyste économique, vous avez affaire finalement à trois profils relativement classiques dans le domaine de l'économie, les vendeurs, les intermédiaires et les acheteurs. Mmh. Là, de ce point de vue-là, c'est relativement facile à lire, mais je sens que vous allez me contredire en disant « c'est facile à lire en apparence ». En réalité, c'est beaucoup moins facile que ça. Est-ce que vous pourriez peut-être nous décrire cette chaîne-là et peut-être en la mettant en comparaison avec une chaîne classique ? Alors, ce que l'on a pu observer au cours de notre enquête, c'est... Comme je l'ai expliqué, il y avait donc l'économie qui était sous la domination de Daesh, donc toutes les forces productives, en tout cas ce qu'il en restait, parce que bon, l'Irak et la Syrie, c'est pas non plus l'Allemagne, hein, il n'y a pas de Mittelstand, il n'y a pas beaucoup d'entreprises, mais néanmoins il y avait des champs qui étaient cultivés, il y avait une agriculture relativement forte, il y a des sous-sols qui sont riches, donc tout ça était exploité par Daesh. Ensuite, en ce qui concerne les trafics, ben malheureusement, si vous avez tout à fait raison, je vais pas beaucoup vous retenir. Hein. Il y a l'offre et la demande. L'offre et la demande, il suffit de fixer le bon prix et sans être cynique, quand on a trouvé le bon prix, l'échange se fait, tout simplement. À ceci près, peut-être que il faut faire avec des feux aériens envoyés par l'aviation ennemie, mm-hmm. en l'occurrence. Il faut faire avec l'illicite absolu, puisque tout marché avec Daesh a été évidemment immédiatement frappé d'interdiction. Donc c'est à la fois pareil et totalement différent. Oui, vous avez raison, sauf que ces aléas. Le côté illicite, le côté prise de risque de faire du commerce sous les bombardements ou sous les attaques des forces alliées, tout ça, c'est inclus dans le prix. Il y a une prime de risque. Une fois qu'on a intégré cette prime de risque dans l'échange se fait. Et la prise de risque, ça peut être aussi pour l'acheteur la difficulté, enfin en tout cas le risque d'acheter quelque chose qui vient de Daesh. Donc tout ça, ça se paye. Et donc, on trouve des artifices. Par exemple, pour acheter des œuvres d'art, des antiquités qui venaient de Syrie ou du nord de l'Irak, Bon, c'était pas très très compliqué, hein. Il suffisait de se procurer un certificat indiquant que cette belle antiquité, ce lion, on en parle dans le livre, vient d'Égypte. Il faut fabriquer, il faut trouver le faussaire qui va nous trouver le faux certificat, qui va faire en sorte que la provenance de ce produit est égyptienne. Voilà, on intègre ça dans le prix et l'échange se fait, tout simplement. Et ça, on peut le reproduire à l'envi. C'est-à-dire que le blé, est-ce qu'il vient de Syrie? On ne sait pas. Peut-être qu'il vient de Jordanie. Il suffit donc de changer l'étiquette. Tout ça, c'est... Et des acheteurs sont prêts à ça. Ils sont prêts à ça. Et c'est la raison pour laquelle, pendant cette période vraiment trouble, beaucoup d'industriels, en tout cas de marques françaises et internationales, ont été n'ont pas inquiétés. Mais suspecté d'avoir frayé avec Daesh, on s'est posé la question en France et ailleurs de savoir si le pétrole, en tout cas l'essence que l'on mettait dans nos voitures, venait-elle de Daesh ou non. Ai-je roulé avec Est-ce que nos t-shirts, est-ce qu'il y avait pas une part de coton syrien, provenant des territoires contrôlés par Daesh, et c'était pas très très clair. Et il faut savoir que la Syrie était un des plus gros exportateurs de coton. Donc, la question pouvait se poser. Par ailleurs, les entreprises qui étaient présentes en Turquie, qui est la plateforme commerciale et industrielle et logistique dans cette partie du monde, on s'est rendu compte que certaines entreprises turques employaient des clandestins venant du nord de l'Irak, venant de Syrie, c'était parfois des enfants. C'était pas des marchandises, mais là, ils faisaient travailler des gens qui étaient des réfugiés. Non, je crois qu'on est confronté à une certaine hypocrisie. Denis Boulard. Je vais vous donner un exemple très concret. Une des sources de financement de Daesh à l'origine, on parle là de l'époque où il est à son apogée, on parle de 2014-2015. Faut quand même se souvenir qu'à l'époque, l'organisation terroriste occupe une surface équivalente à celle de la Grande-Bretagne, a la main mise sur à peu près 10 millions de personnes à la frontière entre la Syrie et l'Irak. À une vitesse éclair, face à un État, des États qui sont tombés en déliquescence extrêmement rapidement. Et l'une des mannes financières de ce proto-État, en tout cas de ce qui voudrait bien se prétendre comme un État, de ce qu'ils ont appelé de façon extrêmement pompeuse le pays de Cham, c'est le pétrole. Et alors c'est très facile d'imaginer, ou c'est plus facile sans doute d'imaginer que les seuls concernés sont les pays de la zone. Oui, sauf que ça va remonter jusqu'à la Commission européenne, où on apprend que la Hongrie consomme du pétrole extrait des territoires de Daesh. La seule Hongrie ou la Hongrie parmi les autres. En tout cas, la Hongrie est la seule à avoir été désignée nommément à cette époque par la Commission européenne. Après, bien malin qui pourrait prétendre que la Hongrie était la seule à en bénéficier. Ce qui est très troublant quand on commence à travailler sur le dossier, et plus vous avancez évidemment, et c'est ça qui est exceptionnel dans ce genre de travail, c'est que c'est très satisfaisant de voir que vous avancez et que c'est un chemin qui s'ouvre au fur et à mesure que vous prenez le temps. Le facteur temps, de mon point de vue, est essentiel pour bien comprendre les choses. Et malheureusement, le journalisme d'aujourd'hui n'a plus le temps. Là, on prend le temps, parce que l'éditeur est quelqu'un de patient et qui veut un travail de qualité. Plus vous avancez, plus vous constatez qu'il y a beaucoup d'hypocrisie dans tout ça. C'est-à-dire que c'est très facile de considérer Daesh comme un adversaire auquel il faut absolument couper les ailes, bloqué, limité dans ses frontières. Oui, sauf que on va retrouver en France de la consommation de l'utilisation de coton qui vient officiellement de Turquie, mais c'est pas très compliqué parce que nous l'avons trouvé et nous ne sommes pas Sherlock Holmes, hein. Le coton turc est mélangé à du coton syrien qui est exploité sur des territoires maîtrisés par Daesh. Pardon, je vais être un petit peu cru, mais lorsque vous avez au Liban des maisons de passe où des jeunes syriennes se font violer elles vendues évidemment par Daesh, hein. Elles ne se font pas violer exclusivement par des gens de Daesh. Il faut être parfaitement et malheureusement réaliste. Vous trouvez au Liban des consommateurs, entre guillemets, évidemment, avec toute la compassion qu'on peut avoir pour ces pauvres jeunes femmes ou jeunes filles. Vous trouvez des Libanais, vous trouvez des Occidentaux. Lorsque le patrimoine archéologique antique de Syrie ou d'Irak est pillée. Les gens de Daesh ne sont pas des collectionneurs, les gens de Daesh sont des commerçants. Et ils ont un pragmatisme froid qui fait que vous retrouvez certaines statuettes de Palmyre, donc un grand site quand même historique de Syrie, vous retrouvez ces statuettes sur des marchés ou dans des places d'achat d'art en France, mais aussi en Suisse, aux États-Unis, à Londres. Donc il y a une sorte d'hypocrisie qui consisterait à imaginer que notre société qui chez nous est ouverte serait fermée à Daesh, quoi, serait réservée à un petit enclos, à un petit espace bien délimité. C'est faux, c'est évidemment faux. Cette guerre, à un moment donné, on explique ça, on essaie d'expliquer ça, cette guerre, elle profite à tout le monde, en fait. C'est-à-dire que cette guerre, à l'époque, elle bénéficie évidemment aux Turcs, hein, parce que ça leur permet de faire du commerce. On a constaté, avec un peu de surprise au début, que la frontière était fermée la journée, oui, bien sûr, parce qu'on refuse de commercer avec Daesh, oui, mais elle est ouverte la nuit. On constate énormément de choses comme ça qui sont... C'est très simple, vu de loin, de se dire que la guerre, elle est bien délimitée, bien fermée, bien cloisonnée. Mais en réalité, c'est pas vrai. Fabien Pilu, revenons au pétrole. Il s'avère que Daesh a été à un moment un peu le roi du discount. Là où le baril pouvait s'échanger à $60, on parle de quelques temps en arrière, et non pas, je le rappelle, de l'actualité 2018-2019. Daesh, lui, pratiquait le baril à $15. Alors, on devine évidemment la capacité attractive d'un pareil tarif, mais comment y arrivait-il à le faire? Et du coup, qu'est-ce que l'on sait de l'énorme impact d'un prix aussi bas? C'était très simple. C'était eux qui avaient le contrôle. Il n'y avait pas d'intermédiaire, il n'y avait pas de courtier. Vous savez, le monde de la distribution du pétrole est un monde où, entre le baril et la pompe à essence ou la cuve de fuel, il y a plusieurs dizaines d'intermédiaires. Eux, toute une population. Voilà, toute une population qui vit et qui vit sur ces échanges et cette production et cette distribution de pétrole. Là, en l'occurrence, Daesh avait besoin d'argent vite, très vite, pour pouvoir payer ses fonctionnaires, ceux qui n'étaient pas payés, rétribués directement par l'État irakien notamment. Il leur fallait de l'argent pour financer, pour acheter, pour contenter les gens, acheter les gens. Faire de la corruption. Donc, quel meilleur moyen que de casser les prix. Et en tout cas, quand le baril était à $15, on peut être sûr que les $15 allaient directement dans la poche de Daesh. Après, c'est intéressant parce que un des moyens de lutte contre Daesh et sa puissance financière, pour contrer sa puissance financière, a été justement de la part des pays producteurs de pétrole, de justement d'ouvrir en grand les vannes de leurs puits et de faire baisser, de faire en sorte que le prix du pétrole soit le plus bas possible pour réduire la capacité de Daesh à faire de bonnes affaires sur ce point. Lorsque le prix officiel du pétrole est à $25, vendre à $15, prendre des risques pour acheter du pétrole à $15, finalement ça vaut pas le coup. Mais on peut supposer que cette pratique-là, elle se trouvait plus dirigée contre les États-Unis et leur pétrole de schiste, qu'à proprement parler, en direction de Daesh, ou alors ça faisait partie de leur équation malgré tout. Ça faisait partie de leur équation malgré tout. Oui, tout à fait, tout à fait. Demain, suite de nos entretiens avec les deux co-auteurs de l'ouvrage paru chez First, L'argent de la terreur, Denis Boulard et Fabien Pilu.